Bon, si on parlait de choses un peu plus sérieuses. Allez, oui. Par exemple, Kaamelott, cette excellentissime série télé française diffusée outre-Kievin sur M6 et diffusée chez nous sur Club RTL, je pense. Absolument. Du côté de 20h20 à après Caméra Café. Et avant le ça film. Dépend des fois, je n'ai jamais compris le, quand est-ce qu'il le diffusait exactement. En tout cas, je sais que c'est pendant les pubs qui précèdent Dr House. Dr House, c'est fini. Il faudrait qu'on dise un mot du Dr House, c'est fini. La semaine prochaine. Et donc, comme son nom l'indique, Kaamelott, c'est une série à base d'épisodes courts, à la manière justement de Caméra Café ou d'un gars et une fille. Et c'est une série humoristique qui se déroule au Moyen-Âge, plus précisément donc à Kaamelott, où le personnage principal n'est autre que le roi Arthur, armé de son épée Excalibur, et avec les chevaliers de la Table Ronde, il cherche le Graal, évidemment. Forcément, qu'est-ce qu'il cherche d'autre ? Forcément, et on a droit évidemment à Lancelot, Perceval, la Dame du Lac, Merlin l'Enchanteur. Sauf que la grande différence ici, la grande originalité, même si les Monty Python sont passés par là il y a un moment, mais ici on est dans une tonalité toute différente, j'y reviendrai. La grande originalité, c'est que Kaamelott, c'est avant tout, en tout cas pour jusqu'ici, c'est avant tout une comédie. Et Arthur, bah par exemple, Guenièvre, il n'est pas super fan, super des masses amoureux de Guenièvre. Enfin, il a quelques maîtresses sous la main quand il a le sang un peu chaud, mais Guenièvre... En même temps, Guenièvre est un peu cruche. Voilà, elle est complètement cruche, et c'est surtout pour des raisons d'alliance stratégique qu'il est avec. Et d'ailleurs, il doit scoutiner les beaux-parents, qui sont vraiment pénibles possibles, des espèces de gros bouseux qu'il a anoblis, et qui sont complètement hystériques, et qui ne pensent qu'à taper à la moindre occasion. Et puis Arthur, il n'est pas aidé dans sa quête du Graal parce que, il faut bien le dire, la plupart des chevaliers de la Table Ronde, c'est quand même des gros branleurs. D'accord. À part Lancelot, qui est un chevalier digne de ce nom, Caradoc, Bohort et autres Perceval. C'est tous des bras cassés. C'est pas des flèches. Hein. Mm-hmm. Faut vraiment dire ce qu'il est. Entre celui qui ne pense qu'à manger et l'autre qui est un peu efféminé. Ouais, on n'est pas aidé. Il n'y en a pas un pour ramasser l'autre. Non, vraiment pas. Et c'est donc une très grande réussite que l'on doit à Alexandre Astier, donc, qui incarne Arthur, mais qui aussi écrit les scénarios, réalise, compose la musique. Fait le café. Je suis sûr qu'il coordonne, dirige le montage. Donc, oui. C'est vraiment. On l'a vu peindre un décor. Peut-être pas jusque-là, mais c'est vraiment le chef d'orchestre, le grand ordonnateur de cette série, qui est né... Quand il a le temps, il fait par terre dans le studio aussi. Qui est né il y a quelque chose comme 4 ans maintenant. Ben oui, là. Puisque c'est la quatrième saison. C'est la quatrième saison qui sort en DVD. C'est vraiment une par an, en fait. Hein. C'est vraiment une par an. Chaque saison, intitulée livre, est divisée en deux parties, en deux tomes. Et donc là, vient de sortir en DVD le livre 4. Chaque tome est composé de 50 épisodes de 3 minutes 30, donc il y a de quoi faire, hein. Si vous devez rattraper les 4 saisons, vous allez être occupé pendant quelques heures, puisque chaque livre dure quelque chose comme un peu moins de 6 heures. Donc, quand même pour des programmes courts, c'est pas mal à la longue. C'est long pour un programme court, 6 heures quand même. Et donc, comme je le disais, c'est une très très grande réussite pour plein de raisons. D'abord, mais justement, cette approche humoristique qui évidemment rappelle la démarche des Monty Python, sauf qu'ici on est dans un humour typiquement français avec une gouaille dans les dialogues qui rappelle presque Audiard. Il y a vraiment une espèce d'idée de génie de se faire confronter le parler, l'argot français. L'argot binge ? Non, ah, français. Et puis cet univers moyenâgeux qui se passe globalement au 5e siècle après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain est en train tout doucement de se casser la gueule et de partir d'Angleterre. Et cette idée de base est magnifiée par tout le talent d'Alexandre Astier, qui a su à la fois dégoter des acteurs vraiment incroyables, impeccables, qui sont vraiment dans leur c'est personnage, qui sont vraiment incroyables, notamment le duo dont Virginie parlait, de Perceval et Caradoc, dans le rôle des deux abrutis de service, qui sont, ça relève presque du génie, tellement c'est jouissif. Et puis, la grande qualité supplémentaire, au-delà des dialogues et du casting, c'est la réalisation. Et pourtant, c'était pas gagné, parce qu'Alexandre Astier, à la base, c'est un auteur de théâtre. Et c'est alors qu'il a réalisé un court-métrage qui servira d'idée de base pour Kaamelott, alors que Caméra Café vient de se terminer, qu'il a l'idée de proposer à la maison de production Kalt, qui produit Caméra Café, ce concept. Et dès le premier livre, on sent vraiment qu'il a réfléchi très sérieusement à la mise en scène et qu'on est vraiment très très loin, malgré le format court et un mécanisme narratif qui repose essentiellement sur les dialogues. On est très très loin du théâtre filmé. Il y a une vraie maîtrise au point de vue de la mise en scène, et cette maîtrise, elle va croissant avec les livres. Au fil des années, Alexandre Astier affirme des choix de plus en plus, peut-être pas osés, mais de plus en plus pertinent en tout cas, et qui vont de moins en moins vers l'évidence. C'est-à-dire que la série, au fil du temps, elle reste toujours humoristique, mais on s'oriente clairement vers quelque chose de plus sombre, de plus sérieux, quelque chose de plus dans l'héroïque, dans vraiment l'épopée chevaleresque. Et à tel point que on sait déjà, Astier l'a annoncé, que en principe la série télé fera 7 saisons, 7 livres, et puis qu'après il va enchaîner avec une trilogie au cinéma. Donc avec un peu de chance, la France va avoir droit à son Seigneur des Anneaux, et c'est vraiment bien parti pour. D'ailleurs, en parlant de Seigneur des Anneaux, les 3 premiers livres. Oui, les coffrets DVD avaient les mêmes couleurs, ouais, que, les mêmes couleurs que les coffrets des versions longues du Seigneur des Anneaux, référence que les geeks apprécieront. Excusez-moi. Et à propos de geek, d'ailleurs, une autre qualité de la série, c'est qu'elle est bourrée de références à Star Wars, à plein d'autres classiques du cinéma, de la télé, avec en prime parfois des guest stars qui font leur apparition, qui sont assez sympas. Donc, une série qui va de plus en plus vers le dramatique. Ça se retranscrit notamment en matière de mise en scène, comme je le disais, avec une lumière qui devient de plus en plus sombre. Et des épisodes qui promettent de devenir plus longs. Déjà à partir de la saison 3, cet enchaînement de sketchs commence à avoir un fil rouge plus linéaire. Donc oui, on est obligé de suivre la continuité pour commencer à capter toutes les choses qui se trament. Et puis le livre 4 se conclut par un épisode de 7 minutes qui annonce le format des prochaines saisons, où les épisodes, au lieu de faire 2 fois 3 minutes 30, parce que chaque soir est diffusé 2 épisodes, on va vers des épisodes de 7 minutes où forcément ce sera plus dense. Mon Dieu, du point de vue narratif, il passe au long métrage tout doucement. Ouais. Mais en heure de production, finalement, j'avais calculé, c'est comme s'il faisait des saisons, enfin des demi-saisons américaines. Donc je crois qu'il y a pas mal d'épisodes quand même. Donc il faut savoir que c'est une série qui coûte très très cher à faire. On s'en doute, à costumes, décors, et puis bon, la production et la réalisation est de très grande qualité. Mais elle rapporte énormément. C'est une des séries, si pas le programme de fiction qui en recette publicitaire rapporte le plus à la télévision française, devant les trucs de TF1. Donc ça va clairement donner à Alexandre Astier les moyens de ses ambitions pour le cinéma. Que dire d'autre? C'est vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. Selon moi, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en fiction à la télévision française. On est à des années-lumière de la consommation courante, des soaps à la Plus belle la vie, ou même d'autres programmes courts, même si c'est... Ça, 7e ciel, c'est... Septième ciel Belgique, ah oui, Septième ciel Belgique. Alors ah oui. Là, ah bah là on, ça vaut même pas la peine de faire la comparaison. Moi, générique, mais... le générique de Kaamelott est mieux que 7ème Ciel Belgique. Et mais moi, même... je dis que 7ème Ciel Belgique, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est très mauvais, mais qu'ils arrivent quand même à capter l'attention. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder cette série. Curieusement... Même si quand je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Ça ne marche pas avec moi, je ne sais pas pourquoi. C'est une série pour les filles, je pense. Ça doit être ça. Voilà, donc, et pour conclure sur Kaamelott, c'est clairement ce qui se fait de mieux à la télé française. Alexandre Astier... talent fou, mais il n'a pas l'air de n'avoir la grosse tête en interview. C'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il veut, qui clairement veut contrôler les choses. Pour preuve, il y a par exemple des produits dérivés, mais comme une BD, mais c'est lui qui l'a scénarisé. Il y a même des bouquins sur le Moyen-Âge pour un peu comparer la fiction et la réalité historique. Si c'est pas lui qui les a écrits, mais clairement, on sent, et il explique en interview qu'il s'est plongé dans toute la littérature tout de la table ronde pour nourrir sa série, même si il prend évidemment beaucoup de liberté. Donc Kaamelott, c'est de la bombe et puis c'est tout. C'est pas de la Kaamelott. Ah, Kaamelott, c'est pas de la Kaamelott. Ah, voilà. Ah, voilà, ça on attendait. Comment n'y ai-je pas pensé ? Mais oui, ma foi.